quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ceux dont vous n'aviez aucun savoir, et vous le comptiez comme insignifiant alors qu'auprès d'Allah cela est énorme.